On est au début de l'année, le retour du talent d'ici, les journées sont courtes. La dépression hivernale s'est abattue sur nous, en Lorraine en tout cas, avec toutes les radios qui nous suivent. Enfin, c'est pas à cause des radios, c'est simplement parce que les jours sont courts et la nuit tombe vite. Nous recevons un jeune homme qui est arrivé de son Alsace, c'est ça ? De l'Alsace natale ou quoi ? Non, Thionville ? Je suis Thionville, oui. Thionville, c'est la, un c'est peu la, plus haut dans le Nord. C'est la Lorraine, donc c'est la Moselle. Ah, ouais. Ouais. Il s'appelle Jean-Luc Coquelet. C'est sa première en 9 ans de talent d'ici, c'est la première fois que tu viens. C'est vrai. Il faut toujours une première fois, d'ailleurs. Effectivement, mais c'est la première fois aussi à la radio que tu es passé dans d'autres émissions. Tu sais plus. Première... Ah non, si, c'est la première fois. Très bien. Je suis passé sur Jéricho, à Metz, une paire de fois. D'accord. Alors, quand vous entendez la voix de Jean-Luc, vous vous rendez compte que ce n'est pas une voix qui a 20 ans. Non, c'est... Non, quand vous entendez Jean-Luc, vous savez qu'il y a un parcours de vie et un parcours de musicien que nous découvrons aujourd'hui. Il nous a amené des cadeaux, alors c'est pour nous, hein, c'est pour Antoine et moi. On a notamment un vinyle qui est un album qui est sorti quand, Jean-Luc ? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Tu viens principalement parce que tu as une actualité, un nouvel album qui vient de sortir. C'est un album, c'est un EP ? C'est un EP, un EP 6 titres. Un EP 6 titres. Qui est sorti en septembre. Et qui s'appelle ? Pas ordinaire. Pas ordinaire. Un peu comme la chanson de Charles Bois. Ah, lui, c'est ordinaire. Toi, c'est pas c'est ordinaire, lui, voilà. Voilà. J'allais dire donc je dis. Donc, y a le vinyle, il est sorti que pour l'album il y a 2 ans ou avec le dernier, tu as sorti ? Non, avec le dernier, non. J'ai sorti un EP. Après, c'est une histoire de financement, tu sais bien. Oui, d'accord. Mais pourquoi cet album-là, principalement un EP ? Cet album qui s'appelait Il était une fois. Il était une fois. Mais voilà, parce que j'ai souhaité faire un vinyle. Je me suis dit, j'en ferai au moins un de ma carrière. Il sera fait. Ouais. Et pour être cash avec toi, l'année prochaine peut-être, enfin en tout cas cette année, ouais. Puisqu'on est déjà en 2020. Oui, ah c'est vrai. Dans 2020, je vais faire un tour le plus large possible, yeah. Un tour le plus large possible de concerts. Mm-hmm. Je l'ai appelé le 45 tour. Tu vas faire 45 fêter mes 45 années de carrière. De carrière. Et peut-être qu'à cette occasion, je sortirai un 45 tour. Alors, ce qui fait un petit vinyle, quoi. Et puis il y a eu avant encore un autre album où tu es dans un fauteuil magique, magnifique. Cet album s'appelait Singulier. Singulier. Il faut savoir que l'EP qui est sorti, c'est mon numéro 8. D'accord. Voilà. Celui qui est sorti au mois de. Au mois de septembre. Au mois de septembre. Il y a beaucoup d'albums qui sont. Au mois de septembre 2019. Voilà. Donc il y a quelques mois. Voilà, il y a quelques mois. Cet album, on va l'écouter en détail. 45 ans de carrière, ça a commencé où ? Ça a commencé comment ? Ça a commencé dans mon quartier de la Côte des Roses à Thionville, mmh. À l'époque où beaucoup de gens ont débarqué. Les Italiens. Les Italiens, les gens d'Afrique du Nord, les, ah, etc., oui. Qui sont arrivés. Et il y a eu tout à coup une effervescence, mmh. Qui nous a un peu liés les uns les autres et qui m'a permis peut-être de faire des choses en groupe, sachant qu'avant la musique tu était quand même... Tu as fait des choses en groupe. En groupe. Sachant qu'avant, la musique était quand même quelque chose d'important pour oui. Moi. Mon père était ténor. Ah. Mais il ne l'a jamais été, comme dit la chanson. C'est quelqu'un qui a fait des cours, qui était une véritable voix de ténor, mais qui n'a jamais pu être ténor sur scène, en tout cas en carrière, parce mm-hmm. que le garage de grand-père ne fonctionnait plus. Et donc, Pépé et Mémé n'avaient plus l'argent pour envoyer le petit Raymond à Nancy. Mm. Et le pauvre, il en a eu. Il les avait là. Gros sur la patate. Gros sur la patate, à tel point que quand son fils lui a demandé, alors qu'il avait 16-17 ans, « Papa, je voudrais faire de la musique. » »« Non, non, ne fais pas de musique, tu en vivras jamais, ce sera jamais, tu gagneras jamais ta vie. » Voilà, mais bon, le fils et moi, le fils a un petit peu quand même outrepassé ce qu'il souhaitait, voilà. Et de ce parcours de 45 ans, tu en tires quoi maintenant, 45 ans après ? Presque 45, puisque tu ne les as pas, les 45 ans. Tu sais. De musique. Si, je sais. Voilà. Mais je dirais que du bonheur. Je veux dire, ouais. Des rencontres, de très très belles rencontres, des rencontres un peu moins marrantes, mais ça c'est comme partout. Mm-hmm. Le bonheur de faire, d'écrire mes chansons, de les interpréter, de rencontrer des gros musiciens, de faire des belles scènes. Et ça continue. L'album Pas Ordinaire, les paroles sont signées Jean-Luc oui, Coquelet. Oui, en général, mis à part mon premier album, ouais. Qui était des textes d'un monsieur qui s'appelle Alphonse Pansa, qui habite Algrange, mm-hmm. qui doit être pas loin de 90 ans, Alphonse était un poète. Ouais. Et donc j'avais mis ses textes en musique, j'en avais fait des chansons. C'était le premier album qui s'appelait État au pluriel d'homme au singulier. On le trouve encore cet album? Non, on ne le trouve plus, non. Ça remonte à quelques années, ça remonte en 1995. Voilà. Et donc, c'était ma première expérience studio, musicien, etc. Et on a tourné à faire défendre cet album. Et après ça, j'ai écrit quasiment tous mes textes. Ok. Et la musique, c'est toi aussi? La musique, c'est moi aussi. Donc, qu'est-ce qu'a fait Louisville, du coup? Sur cet album-là, il a fait des arrangements. Louis, j'ai écrit mes chansons, paroles et musique. J'en ai fait des maquettes et je lui ai envoyé les maquettes en lui disant, voilà, qu'est-ce que tu as envie d'en faire. Et donc, il a eu assez carte blanche pour changer. D'ailleurs, il est resté dans cet univers qui est, me semble-t-il, son univers, lui. Et c'est très bien. Louisville, qu'on a reçu trois fois et qui passe régulièrement sur les ondes de nos radios, même les radios associatives qui sont avec nous pour Talent d'ici. Cet album est sorti, cet EP, il y a quelques mois, et je vois qu'il y a notamment du violoncelle dedans. Il y en a toujours eu du violoncelle? Dans mes albums, c'est la première fois. Je trouve que c'était une belle opportunité. Louisville avait proposé sur le premier titre qu'il a maquetté, j'ai trouvé que c'est une bonne idée. Et donc, on a fait appel à Louis Morand, qui joue d'ailleurs avec Louisville. Tout à fait. J'allais le dire. Alors, si voilà, vous voulez tout savoir, Louis Morand a commencé, on a commencé à travailler et à monter un répertoire ensemble. Et puis, il y a deux, trois semaines de ça, Louis Morand m'a dit, je sors du projet, j'aurai pas le temps parce que j'ai d'autres choses à faire. Voilà, on n'a pas débranché le téléphone. En direct, le téléphone de Jean-Luc Coquelin. C'est inadmissible, il faut le virer. C'est son banquier, donc on va... Bonjour, monsieur le banquier. Alors, on va se mettre en avion. Tiens, on va prendre l'avion. Toutes mes excuses. Non, on va le monter, on va le retirer, de toute façon. Ah, n'est-ce pas, Antoine? Non, il dit non, mais bon, c'est parce qu'il est... Donc voilà ce qu'a fait Louis, hein, pour répondre. Oui, pardon, excusez-moi. Et donc, c'est vrai qu'on reste dans l'univers de Louisville. D'aucune m'a dit un jour, j'ai l'impression t'entendre chanter Louisville. Je dis oui. Sauf que ce sont mes paroles et ma musique. Et Louis a ramené sa patte, ce qui est quand même... Moi, je suis un inconditionnel de Louisville, l'artiste Louisville. Je suis un inconditionnel. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup ses paroles. Voilà, donc c'était une belle rencontre. Est-ce que Alicia Hiblot et Brunet Rigolo? Brunet Rigolo, c'est le premier titre. En plus, c'est, je crois, le premier titre de l'EP. Oui, c'est juste. Allez, c'est parti avec Jean-Luc Coquelin dans Talent d'ici. Une brune immobile dans la brume, un badaud rigolo dans la lune, rallume leur mégot de fortune qui rougit au loin dans la brume. La brune le repère et se dit, oh, à coup sûr c'est un salaud. Un de ces vieux démons de minuit, il faut que je bouge, il y court. Il y a bien là-bas comme un phare, mais ce n'est pas vraiment un rempart. Je vais engloutir le brouillard, je vais m'enfouir dans le noir. Mais ce n'est pas vraiment un grand pas. je vais engloutir le brouillard. Panique et rigolo qui tic, s'amalgame sous le phare à pic. L'ambigo de fortune rougit. Où est le salaud qui sévit? Où est le salaud qui sévit? Où est le salaud qui sévit? Où est le salaud qui sévit? Où est le salaud qui sévit? Où est le salaud qui sévit? Où est le salaud qui sévit? Où est le salaud qui sévit? Qui sévit? Talent d'ici avec les radios associatives de Lorraine. Quand j'entends « Où est le salaud qui sévit » et répété, j'ai l'impression d'entendre un peu du bachung, effectivement. Mais c'est avant tout du Jean-Luc. Jean-Luc Coquelaire, j'ai presque bien dit. Avant de parler, dit très bien. Merci. Avant le projet, je voulais aborder. Oui, alors Alicia Iblou, dont je parlais tout à l'heure, c'est cette jeune fille qui a parlé, qui t'a demandé si je chantais du Louisville. Elle me dit, en fait, bon, comme ça on saura tout, elle m'a dit, si j'avais pas vu que c'était toi qui avais écrit les paroles à la musique, j'aurais pensé que tu chantais du Louisville. Alors c'est Alice Arthur qu'on a reçu. C'est ça, Alice Arthur. Voilà. En tant qu'artiste. C'est ça, oui. Que l'on salue. Il y a des dates, avant de parler du projet, parce que tu l'as dit il y a quelques instants, il y a un autre Louis que Louisville qui devait faire partie du projet. Louis Morand. Moi, je voulais. L'album, par ordinaire, il a été fait comment? Il a été fait où? Et avec qui? Il a été fait au départ chez moi. J'ai écrit des textes spécialement pour cet album-là. Mm-hmm. Puis j'ai maquetté chez moi. Ouais. Et j'ai envoyé tout ça à Louis Ville, dans son studio. Il a un très beau studio chez lui. Mm-hmm. Il a maquetté, il m'a renvoyé. Et puis il a travaillé dessus. Et je suis allé enregistrer mes parties chant chez lui. Il a mixé. Louis Morand est venu poser le violoncelle, mm-hmm. et quand tout était fait, ça a été masterisé en Belgique. Et tous tes albums ont été faits comme ça, c'est-à-dire que tu les envoies à des réarrangeurs ou non, c'était le seul? C'est le premier. Et tu en retires quoi? De cette expérience? Ouais. Je trouve que c'était une approche que peut-être que je n'aurais pas abordée de moi, mm-hmm. qui est positive. Le prochain, je... Tu ferais peut-être autrement? Oui. Très bien. C'est net. Je ferai autrement, mais ça a été quelque chose d'assez intéressant parce qu'il est revenu dans un esprit davantage rock. Mm-hmm. Et je l'avoue, j'ai une culture rock d'abord, même si j'écoutais Sheila et Alain Barrière quand j'étais gamin. Ouais. Non, mais non, le petit Tépaz à la maison, il y avait des 45 tours qui étaient achetés par mes parents. J'ai pas connu le Tépaz. Ah, j'ai tout connu. Voilà, donc on écoutait ça, la chanson, etc., les Claude François, les machins, tout ça. Mais en parallèle avec du classique. Ah. Mon père, comme était chanteur, avait beaucoup de classiques, les valses viennoises, les machins, choses et tout. Et le petit Jean-Luc Coquelin était devant l'écran de la télévision éteint, mm-hmm. et il se voyait chef d'orchestre, il dirigeait. Il vous manque l'image, la deuxième. Est-ce que le papa, il chantait quand il y avait des invités un petit peu? Que oui. Hein, en général, pousser la chanson, je veux dire, mais plus que ça, la chanson, il avait une véritable voix de ténor. Mmh. Raymond Coquelin, ouais. Et t'as chez toi des preuves, tu as pu l'enregistrer justement sur un. Non, il y a des vidéos qui existent, qui sont assez. Du VHS et tout, quand il a commencé à avoir un peu de. Et un peu plus tard, un peu de son, mais non, j'ai pas franchement de. Je l'ai dans la tête. D'accord. C'est assez fou. Ouais. Le prochain projet, tu en parlais tout à l'heure, là, il y avait. Mais Louis Morand devait travailler dans le projet en tant que violoncelliste. Ouais. On a travaillé, on a fait un concert ensemble et Louis m'a dit qu'il ne pouvait pas continuer parce qu'il avait des sollicitations essentiellement parisiennes. Mm-hmm. Et comme je suis. J'ai plutôt tendance à bien rebondir, mm-hmm. en me disant il doit y avoir un signe de la vie. Et du coup, je repars sur un projet très différent. Comme quoi? Eh bien, ça va être un trio batterie, piano, chant, mm-hmm. dans lequel on rajoutera de la guitare, du sax éventuellement, des samples, des nappes, mm-hmm. des chœurs, parce que les deux musiciens que j'ai sollicités chantent très bien, mm-hmm. sont deux messins qui sont des frères. Et les frères comment ? Grünfelder. Alors, ils sont à trois. Mais là, il y en a deux. Jean-Sébastien Grünfelder, qui est pianiste, un gros pianiste de jazz, et qui est actuellement au Centre de musique Didier Locoud, en deuxième année là, sur Paris. Et son frère, Rémi Grünfelder, qui est batteur percussionniste, qui intégrait les Flying Orchestra là, il y a deux mois. Et qui, tous les deux, ont des tas de projets qui sont... Donc moi, ça me plaît bien. Et on commence à répéter. Les concerts ne sont pas prévus tout de suite, puisqu'il faut qu'on... On a commencé à répéter le 28 décembre. Ouais. Ça s'est passé à Metz. Une belle journée de trucs. Et donc, en termes de mise en place, ce que je voulais te dire, c'est qu'évidemment, il va y avoir un coach qui va venir mettre un peu de... Bah oui, tu sais, un spectacle, ça se met en place. Comment tu te places sur scène, avec un éclairagiste qui va mettre. Donc, il y a un gros truc qui se met en place. Et ça ne va se faire que l'année qui vient. Et tu joueras de quel instrument, toi ? Piano, un petit peu ? Je jouerai un peu de piano, un peu de nappe. Je jouerai de la guitare. Tu es musicien multi-instrumentiste, oui, ou pas ? Aussi, oui. Comme quoi, comme je suis guitariste à la base et ça fait 5 ans que je prends des cours de piano jazz. Ok. Et tout à l'heure en live, tu joueras de la guitare. Je jouerai de la guitare. Il n'y a pas de piano, mais non. Ça faisait un peu beaucoup dans le studio. On s'écoute un deuxième titre à découvrir, puis on parlera des dates parce qu'il y en a déjà pas mal. Ça s'appelle Des Armes et c'est toujours tiré du dernier EP qui s'appelle Pas Ordinaire et qui est déjà sur toutes les plateformes pour ceux qui veulent le découvrir, entre autres. Il est toutes les plateformes numériques, il est en streaming, en écoute, en téléchargement. Jean-Luc Auclair, Des Armes. Tu hésites entre un rouge et un blanc. Ou un blanc. Sur fond noir ou fond blanc. Bleu et rouge autour du blanc. Arme citoyenne. Tu choisis le rouge, renverse le blanc. Tout est noir, tu restes blanc. Bleu et rouge autour du blanc. Arme stoïcienne. Ici Des Armes, Jean-Luc Auclair. Talent d'ici avec David Ménard. Et avec Jean-Luc Coquelet, effectivement, une fois qu'on l'a dit une fois, ça marche direct. Il y a plein de dates en 2020 de concerts, Jean-Luc. Oui, ce sont les premières dates. Je suis au courant. Sachant que je suis en train de monter le tour, ouais. 45, le 45 tour, et que les dates vont arriver, vont compléter ça tout au long de l'année. Parce que ces dates-là, c'est pour la tournée 45 tours, ou c'est pour l'album par ordinaire? Non, ça rentrera dans la tournée 45. Ça va être en fonction de l'état d'avancement aussi du projet avec Rémi et Jean-Sébastien. Mmh. Si c'est déjà carré, on fera ces dates-là. Sinon, il y a d'autres choses que je ferai dans ces dates-là. Alors, il y a Saint-Julien-les-Metz, il y a beaucoup autour de la Moselle, forcément. Mmh, bien sûr. Villerupt, c'est notamment une ville dans laquelle il y a un festival de cinéma italien. Ça. Et ça se passe d'ailleurs à la cave, qui est le sous-sol d'une des salles de projection. D'accord. Voilà. Jarny, c'est en Moselle également. Pourquoi trois dates à Sarrebruck ? Sarrebruck ? Parce que c'est comme ça. Il y a trois dates qui sont prévues. C'est Gertegger de la radio sarroise qui organise tous les ans. Mmh. Voilà. Brier, Bremier en Meurthe-et-Moselle et Rustrof. Rustrof. Rustrof. Oui. C'est pas en Alsace. C'est pas très loin de Cirque-les-Bains. Oui, où il y a notamment des endroits pour faire des cures là-bas, je crois. Cirque-les-Bains. C'est Mondorf, tu parles. Ah, c'est Mondorf, c'est pas très loin. Mondorf-les-Bains. Qui est pas loin, qui est de l'autre côté de la Moselle, c'est ça, oui. Cirque-les-Bains, c'est encore la France. Ah oui, c'est encore. Si on traverse, on est au Luxembourg. Il y a un gros château à Cirque-les-Bains, ça nous rappelle notre, enfin en tout cas la mienne, mon adolescence où il y avait des festivals avec Magma. Oula, effectivement. Ange, oui, Ange. Pourquoi ça revient souvent Ange dans Gang. Ton... Pardon, excuse-moi, tu l'as dérangé. Pourquoi je parle d'Ange beaucoup? Oui, parce que tu parles beaucoup d'Ange. Le groupe Ange. Oui, parce que qui tourne encore. Ah oui, qui tourne encore, qui fête ses 50 ans cette année. Ouais. Avec une grosse date à l'Olympia en particulier, je crois. Sans doute. Sans doute. Donc pourquoi Ange principalement, enfin, pourquoi ça a été une de nos références quand on était ado et qu'on avait un groupe qui s'appelait Chryséis et on avait une formule qui ressemblait un peu à celle d'Ange au départ avec deux claviers puis un des claviers est parti et on faisait des textes un peu déjantés. J'écrivais moi des textes un peu déjantés à la Christian Descamps et on a fait, on les a côtoyés, on a fait des scènes avec toute cette pop française de l'époque, donc c'était un peu référence. Il y avait quoi? Il y avait Trian aussi à l'époque, ça n'avait rien à voir. Bon, c'était un peu plus folk que Trian, mais bien sûr, cette époque-là, il y avait Total Issue, des groupes, enfin après j'en reviens, des groupes moins connus comme Mona Lisa, Magma ou alors Martin Circus. Oui. Un groupe du coin là qui de Metz, Atoll, qui a sorti trois vinyles au moins, et qui a bien tourné, qui a une voilà. Moi, j'avais noté qu'il y avait un photographe, parce que la photo de l'album, c'est une partie de ton visage. Tu as l'air hyper sérieux dessus. Hein, c'est normal, parce que l'album est plus grave que les précédents, c'est ça? C'est vrai. Hein, donc la tête et le profil... On va dire un passage nécessaire. Effectivement. Et je vois un nouveau nom, je crois que c'est Alain Daudelaire. Parce que je ne vois plus rien, moi. Hein. Si tu veux, en deux secondes, Alain Daudelaire, c'est quelqu'un qui est revenu de Thionville, qui a été longtemps photographe, qui a été le photographe officiel du festival Sziget en Hongrie. Pendant 13 ans, il a été festival... Alors Sziget, nous, ça ne nous dit peut-être pas, tu vois. Voilà, donc il y a toutes les pointures inimaginables du monde du rock qui y sont passées, etc. Et donc lui, il a été le photographe officiel 13 ans. Je crois que c'est un des plus gros festivals européens. C'est le plus gros, je crois. Merci Antoine pour l'info. C'est l'oreillette qui fonctionne. Et Alain a photographié toute la chanson française de Traîner à Bachung, en passant par Gainsbourg, etc. Il a des photos somptueuses chez lui qui sont des photos tout à fait inédites. Faut qu'il me les envoie. Ah ben, je vais te mettre en contact avec lui. Ah oui, je veux bien. Ouais. Voilà, absolument. Je veux bien. Je crois que c'est le moment d'aller t'installer pour un premier live. D'accord. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter, mon cher Jean-Luc ? J'ai fait un titre qui s'appelle « Pas ordinaire ». Et qui fait partie de l'éponyme de l'album « Pas ordinaire ». Jean-Luc Coquelet dans Talent d'ici. L'absence, une jambe de bois, un casserole, une casserole. Ne plus jouer, plus d'énergie, envisager une stratégie. On s'ébroue en pas à pas, tout résonne, agresse. On interpelle, on hurle, on crie, le prix à payer rester en vie. On arpente des souvenirs, vomit des bulles du houblon, change les M en S, on fait le con. Les E en A, les I en O, les B en R, on n'est pas ordinaire. Structure tes mots sans trémolo, colore tes messages de like and go. Sortir de la nuit de ses agonies, le prix à payer pour être en cloque de vie. Si le réveil sonne un nouveau bail, le sommeil t'assomme et tu dérailles. Go, go, go, ne fais pas le con. Le cri de la gâchette n'est pas la solution. On arpente des souvenirs, vomit des bulles de houblon, change les M en S, les B en R. Sois pas si con, te fous pas en l'air. Fais-toi une raison, t'es pas ordinaire. Go, go, go, fais pas le con. Le cri de la gâchette n'est pas la solution. Prends pas perpète en te foutant en l'air. Fais-toi une raison, t'es pas ordinaire. T'es pas ordinaire. T'es pas ordinaire. T'es pas ordinaire. T'es pas ordinaire. On n'est pas ordinaire. T'es pas ordinaire, Jean-Luc Coquelaire, dans Talent d'ici. Talent d'ici, avec les radios associatives de Lorraine. Et l'émission est podcastée. Ça veut dire que si tu as des amis en Hongrie, n'hésite pas. Absolument, j'en ai d'ailleurs. Donc tu enverras l'émission en podcast. Au Canada ou ailleurs. Voilà. Je voudrais qu'on parle de ta main. Tu t'es fait opérer récemment, c'est ça? Oui, la main gauche, la main qui Qu'est-ce qui s'est passé? T'es marché sur quoi? Non, c'est... J'avais eu ce souci il y a une petite année en arrière, on m'avait fait une infiltration, c'est passé. C'est un doigt qui bloque, ouais. C'est le majeur qui... Tu fermes ta main et tous les autres montent sauf lui. Ah, mince. Et donc à un moment il remonte, il fait cloc, il repart. Et donc c'était absolument pas jouable. Bah non. Et donc j'étais opéré fin septembre. Tu joues différemment du coup? C'est un petit peu plus, un peu plus compliqué, tendu. Ouais, un peu plus tendu parce que le majeur a un peu de mal à aller chercher certaines positions. Mais ça va de mieux en mieux. Et quand tu es sur scène, tu ressens la douleur ou ça disparaît Je serre les dents. Ouais, bah oui, tant qu'à faire. Non, je ne fais pas le caliméro là, mais c'est vrai que ça va de mieux en mieux. Elle est magnifique cette guitare, elle a une histoire, non? Oui, c'est une histoire, c'est une simple histoire, c'est une guitare qui vient de Croatie. Ah, tu aimes les pays de l'Est? Oh, c'est une... pas précisément. Slave. C'est un gars qui s'appelle Gérard Lefort, qui est luthier de son état et qui officie à Thionville, qui fait de belles guitares électriques. Il est fait lui-même. Et là, il était à ce moment-là, par une histoire d'amour qu'il avait emmené en Croatie. Il était luthier, il récupérait toutes les guitares qu'il pouvait récupérer parce qu'il m'expliquait que dans toutes les familles, il y avait des guitares. Mmh. Et celle-ci en vient. Et il l'a refaite. Il a refait un chevalet, un sillet, il a retravaillé le manche un petit peu. Il l'a laissé dans son jus en termes de vernis, il n'a rien mis d'autre. D'accord. Et donc je l'ai acheté, c'est une guitare fantastique. Ah oui, je me disais, est-ce qu'il te l'a donné? Est-ce que tu l'as acheté? Il me l'a envoyé de là-haut, elle est venue dans un gros carton avec une grosse housse capitonnée, voilà, je me rappelle. Et du coup, depuis Gérard est revenu s'installer à Thionville parce que. Et tu as d'autres guitares ou c'est... Ah, j'ai d'autres t'as guitares. T'as un piano aussi chez toi ou... Oui, j'ai un piano aussi, qui n'est pas un piano acoustique. Ouais. J'ai pas encore les moyens de le monter à l'étage. Bah oui. Sauf que si t'es au deuxième. Moi, je te propose qu'on écoute un nouvel extrait. On peut le faire, là, pour l'instant. De l'album qui s'appelle Pas Ordinaire. C'est un EP qui est sorti en septembre 2019. Alors, quel titre tu nous réserves, cher Jean-Luc? Je crois que j'avais demandé L'Ultime Tempête. Voilà, L'Ultime Tempête. L'Ultime Tempête dans l'album. On en parlera après, tiens, L'Ultime Tempête. Allez, c'est parti. Tout niqué s'emballe et les enfants s'envolent. les arbres qui plient. C'est le plus vieux qui craque sur le toboggan déserté. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talent d'ici. Jean-Luc Coquelaire, que l'on reçoit dans Talent d'ici pour ce début d'année, je vois effectivement que cette EP, on peut la voir. Il y a un site, Jean-Luc Coquelaire, ou pas du tout ? Il y a un www.coquelaire.net sur lequel, effectivement, il y a des extraits des 6 titres et on peut le commander. Qui c'est qui a réalisé ce magnifique site ? C'est toi ou c'est en partie moi, oui. C'est bien. Oui, d'habitude, on a quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Polsinelli. Qui m'a donné un beau coup de main aussi. Ouais. Il y a une page Facebook aussi ? Oui, il y a une page Facebook. Il y a des vidéos YouTube ? Oui, sur le site internet, il y en a, sur ma page Facebook. J'ai une page Facebook pro et une page Facebook cuisine. Non, je rigole. Cuisine non, je ne mets pas de choses perso sur ma page. D'accord. Mais dans les clips, il y a des clips ou pas ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Qui ont été réalisés par quelqu'un d'autre également ? Il y a un clip qui était sur l'album Il était une fois. Sorti en 2005. Il y a un petit teaser qui est... Pardon ? Non, 2005, en 2017. Ouais. Et donc l'an passé, la sortie de Pas Ordinaire, il y avait un petit teaser qui était fait, qu'on voit d'ailleurs sur le site internet. Mm-hmm. Après, il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites, des vidéos live. Il y a un teaser qui a été fait... Donc en 2017, quand on a fait une résidence au Gueulard Plus. Ah oui, c'est là qu'on apprend plein de choses en résidence. Absolument, avec un coach qui s'appelle David Obrecht, qui est d'ici, qui est nancéen. D'accord. Voilà, et là j'avais été accompagné par Nicolas Arnoux, qui est aussi venu vous voir avec Emmanuel Bémer. Oui. Voilà, j'en parlais à Nicolas, puisqu'on s'est vu la semaine dernière, on a fait un concert ensemble. Je lui disais que je venais vous voir, il m'a dit je suis venu avec Manu Bémer. Effectivement. Puis il y a un contrebassiste qui s'appelle Laurent Péfer, qui est contrebassiste de jazz, donc tous les deux étaient venus dans cette résidence au Gueulard Plus. Les 45 ans de carrière, tu retiens, enfin, entre autres la période actuelle, mais laquelle a été la plus enthousiasmante pour toi ? Non, tout, tu vas me dire tout, mais bon. Non, peut-être la première avec les copains, avec la camionnette, et, ah oui, etc. Et puis les premières parties, j'ai fait des premières parties qui étaient comme... De qui ? Bien, on en a fait, sans le savoir, une première partie de Scorpion. Pourquoi sans le savoir ? Ben parce qu'en fait, ils débarquaient, ils n'avaient pas l'aura qu'ils avaient, mais il s'est avéré qu'on a fait une première partie avec Scorpion. Après, je fais des premières parties. La dernière, c'était avec à la passerelle, Jean-Guy Denis. Il y a une chanson que je me souviens de Jean-Guy Denis, ça donnait « Tout va bien ici, tout va bien », ça ne dit rien ? Non, peut-être, mais c'est un grand personnage, sacré. Là, c'était donc 2019, début de l'année, à la passerelle. Pascal Jascula m'avait permis de faire la première partie. Ouais. Il est très théâtral. Hein. Il est très théâtral, il assure. Il assure vraiment, Guy Denis, c'est très fort. Puis il est à peu près de la même génération que toi, je pense. C'est ça, un tout petit peu plus âgé, mais la même génération, c'est ça, ouais. Après des premières parties, en particulier de Nicoletta. Oui. Nicoletta, pour moi, c'est la plus grande chanteuse française. De blues. De blues et de chansons. Et de qui chansons. A une voix, elle fait tout ce qu'elle veut. Moi, elle m'impressionnait. Je veux une voix comme elle. Elle tourne, elle fait du gospel, je crois. Aussi, ouais. Entre autres. Et donc, j'avais fait la première partie, encore à la passerelle. J'avais fait Delpech. Oui. C'est marrant, au 112. Biolay, Benjamin Biolay, au 112 aussi. Ouais, voilà. Quelle époque C'était quoi l'époque quand 2009, je crois. Quand 2009-2010, quand est sorti l'album Oui, c'est ça. Et, c'est pas n'importe quel album. J'avais sorti un album qui était Je ne tue plus les mouches. Et donc, j'étais venu faire une première partie. Et apparemment, les mouches ont changé d'âne puisqu'on ne les a pas aujourd'hui. Les mouches ont changé d'âne, c'est dans le rugby qu'on disait ça. Ah. C'est le ballon. D'accord. C'était Pierre Baladejo. Avec Roger Coudert. Qu'est-ce qu'on s'écoute ? Qu'est-ce que tu as prévu ? Je vais faire avec plaisir Elle dit je. C'est le cinquième morceau de cette EP, six titres, Elle dit je, avec Jean-Luc Coquelaire dans Talent d'ici. C'est parti. Elle dit. Je serre, desserre, me serre, resserre, faiblis, pâlis, avance, replie. Des rails, des tonnes, des voiles, des connes, des joues, la peur d'ailleurs ou d'ici. Elle dit. Je rêve de toi, en autre, m'envole et vole, suis frivole. Ma folle m'étiole, suis en apnée, mais en déroute les peurs de mes doutes. Mon histoire, intente l'attente, invente et tente, charme, chante, mime, mime, féminine, et suis minée. Elle dit, je pose mon innocence devant ton insolence. Me couvre, te découvre, ne parle, ne compare, m'estime, te désestime, sous-estime, surestime, je détourne les yeux sans pour autant les mieux. Elle dit, cherche le sens interdit et fuis l'obligatoire, prends le sens interdit et fuis le giratoire. Rêve de moi en outre, mais en déroute. T'es paré, t'es douteux. Dépose ton innocence, devance mon insolence. Couvre-moi, découvre-toi, dépare et compare. Estime, désestime, sous-estime, surestime. Ne détends pas les yeux, ce sera bien mieux. Talent d'ici, avec les radios associatives de Lorraine. Talent d'ici avec Jean-Luc. Hop, oh, j'ai raté. Oh, pas mal, le cheval. Oh, on peut l'échantillonner, monsieur, s'il vous plaît. Avec Jean-Luc Coquelaire. Yes. Comment ça s'écrit d'abord, Coquelaire? K-O-C-K-L-E-R. Mais d'où viennent tous ces K? Alors, peut-être que le CK du milieu vient d'un H. En allemand, K-O-C-H-L-E-R voudrait dire Kochler, c'est-à-dire le cuisinier. Ah, peut-être que quelqu'un un jour a collé et puis est devenu Cochler, je ne sais pas. Je n'ai jamais fait de généalogie sur le nom. Oui, j'aurais fait une généalogie autre chose, mais généalogie tout court. Tu l'aimes pourquoi cette chanson? Enfin, tu l'aimes beaucoup par rapport à d'autres, pourquoi? Il y a quelque chose dans cette chanson, elle a été faite... J'ai fait mon texte, j'ai sorti ma mélodie, j'ai enregistré sur une partie de batterie. Et puis j'étais me coucher. Et le lendemain, j'ai fait des arrangements autour, donc les accords qui sont... Voilà. Et j'aime ce texte, peut-être qu'on ne sait pas toujours quand on écrit, il a été retravaillé ensuite. Il y a quelque chose dans ce texte qui m'échappe. C'est pour être... voilà. Et puis elle dit « je ». Est-ce que c'est toujours elle dit, est-ce que c'est une part autre qui parle, est-ce que c'est toujours soi-même qui parlons, mais je sais pas, j'aime beaucoup, je l'aime, après sans prétention, je la sens un petit peu, ça semble péter, pas du tout, un peu gainsbourgienne cette chose-là, où on parle un peu, rêve de moi en autre, en d'autres, mais en déroute tes peurs et des doutes. Enfin, je est un autre. Et je est un autre, Emmanuel Bemer. Par exemple, effectivement. Oui. Je est une autre. Et c'est une autre. Ah oui, c'est une autre. Et l'émission, son émission est podcastée aussi, donc on peut la réécouter en écoutant Jean-Luc Cochler par la suite. J'ai été voir son spectacle à Nancy, à la salle Poirel. Waouh, ça vaut le coup, allez-y. Bah oui, mais si vous pouvez, allez-y. Non, mais si le spectacle passe, à un moment ou un autre, il faut aller le voir. Ah ouais, c'est très fort. Et je crois qu'il tourne sur toute la France. Hein, ouais. Parfois même à l'étranger. Ça parle pas mal de femmes ou c'est un. Mes chansons, oui je parle beaucoup de mes histoires aussi, voilà, c'est vrai, je vous dis que oui, c'est vrai. C'est ce qui a évolué avec le temps, dans les 45 ans, c'est ces histoires-là qui ont fait que les chansons se sont transformées ou pas? Oui, je pense, et j'ai une volonté maintenant d'écrire encore des choses différentes, des choses un peu plus générales, on parle toujours de soi. Alors maintenant, quand on parle de soi, ça interpelle beaucoup les uns et les autres, parfois, ça peut être. Mais j'ai envie d'écrire des choses un peu différentes aussi. Me remettre à ma table d'écriture très vite. C'est le bonheur. On a de la chance, tous ces gens qui faisons un art quelconque. Je pense que je la savoure, cette chance, à fond. Est-ce que tu fais comme les écrivains? Tu te lèves à des heures précises pour écrire ou tu écris quand ça vient? Non. Non, ça vient. Oui, quand ça vient. Puis après, je retravaille. Comme une envie de cuisser. Non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai participé à beaucoup d'ateliers d'écriture avec des gens brillants et avec une roumaine en particulier qui s'appelle Rodica Draginchescu qui automatiquement te donne des outils, des pistes et des éclairages différents. Et d'accord. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Cette EP, je le rappelle, si vous le voulez, vous allez sur la page Facebook de Jean-Luc Cochler. Ou sur le site internet. Ou sur le site internet, vous l'achetez. Oui. Vous l'achetez soit sur les plateformes, soit en physique, parce qu'il existe en physique. Je vous l'enverrai. Il y a eu combien de EP sortis pour cet album? Il y en a eu 300 qui ont été sortis. D'accord, c'est déjà pas mal. Oui. En forme d'EP, oui, je trouve que c'est suffisant. Et puis plus à la fin des concerts, je présume. Eh bien voilà, oui, bien sûr. Il y aura d'autres concerts et tu tournes. Quelle est la ville la plus lointaine où tu as interprété tes chansons? Est-ce que tu te souviens? Est-ce que c'était en France? Est-ce que c'était à l'étranger? Non. En Irlande une fois? Ah oui. Quand j'ai fait une petite tournée en Irlande à titre perso, j'avais pris ma guitare, voilà. C'est fou ça. Et tu chantes en français? Oui. Et il y avait un public? Chez des hôtes même, voilà. C'est marrant. Ils sont tout en écoute, c'était marrant. Effectivement. Ben, je propose qu'on réécoute un extrait. C'est le dernier titre de l'EP. Ça s'appelle Psychorage. Psychorage, oui. C'est quoi la genèse, l'idée principale? Merci de me souffler les mots, Antoine. Pourquoi ce titre déjà, Psycho et Orage? C'est un texte qui n'a pas été écrit particulièrement pour cet album. Ouais. Alors, faut-il dire? Oui, on va tout dire parce que vas-y, je suis quelqu'un d'honnête. En fait, ce titre existe déjà sur un autre album qui s'appelle Je ne tue plus les mouches. Et ça s'appelait Psyché sur Je ne tue plus les mouches. Et d'accord. Voilà, vous saurez tout. Il a fallu, j'ai le conseil de quelqu'un, de quelqu'une à cette époque-là, qui m'a dit il faudrait que ton EP fasse 20 minutes parce que c'est plus facile pour les programmateurs. Donc je suis allé chercher un sixième titre, sauf que c'était un peu court en termes de délai. Et je suis allé récupérer ce texte et j'en ai fait une nouvelle chanson. Psychorage. Et c'est devenu Psychorage. Voilà. Jean-Luc Cochler, dans ta langue ici. Thank you. pour escaper d'un vieux naufrage préfabriqué. Papillonnage, regard charmé, libertinages alambiqués, désirs sauvages embourgeonnés d'un sourd glaçage décapité. Si j'envisage cet en apnée, Talent d'ici avec David Ménard. Ah, il insiste. Talent d'ici, bien sûr, avec Jean-Luc Coquelard. Il y aura des dates supplémentaires, ça on l'a dit tout à l'heure. Oui. La couleur plus sombre de cet album, pas ordinaire. Oui. C'est ça ? La couleur plus sombre ? Oui, la couleur plus sombre. C'est... Pourquoi ? Mais peut-être qu'il y a aussi la patte de Louisville derrière qui a quand même. Entre autres, mais. Qui assombrit un peu les choses. Parce que si je vous avais fait écouter, si je faisais écouter certaines maquettes que j'ai envoyées, elles ne sont pas complètement dans cet esprit-là. Ouais. Tu avais imaginé d'autres. T'es pas ordinaire, par exemple, il y a un morceau qui est beaucoup plus rock, qui pète beaucoup plus. Lui a souhaité le ramener plus en. Voilà. Sombre. Ouais, c'est ça. Après, Ultime Tempête et Brunet Rigolo sont dans l'esprit là un peu sombre. Ultime Tempête, c'est quand même une tempête qui dégage un jardin d'enfants. Il n'y a plus rien. D'ailleurs, on entend sur Ultime Tempête, Louisville, c'est lui qui dit « Why don't they fall from the sky ?» Ah oui, effectivement, si on écoute bien. Est-ce qu'il y a eu comme projet d'écrire un livre avec tes paroles ? Ce serait une bonne idée, parce que rien que cette chanson qu'on vient d'écouter, le texte est assez... C'est dans mes cartons. Ah, tu es passé chez moi, j'avais pas fait attention. Si, je suis passé, il y avait ta femme. Charmante d'ailleurs. Voilà, bah oui, tant qu'à faire. Oui, non, j'aimerais bien sortir un petit bouquin avec les textes que j'ai vraiment envie de défendre. Il y en a un paquet quand même. Ah, bah, beaucoup de textes que j'ai écrits. Oui. Combien de chansons tu as écrites ? Je sais pas. Tu as écrit ou tu as écrit ? Qui ont été écrites, que j'ai écrites. Qui ont été écrites ? Je sais pas. J'en ai plein, et j'en ai plein encore dans mes cartons. Mmh. Donc il y en a peut-être de nouvelles qui arrivent, je ne sais pas. Des chansons enregistrées, oui, il y a une cinquantaine de chansons qui ont été enregistrées. Mais de chansons, non, j'en ai plein d'autres que j'ai... Et musicalement, tu n'as pas l'intention de prendre ta retraite ? Surtout pas. Et je dis, j'arrêterai... La musique et cet environnement, c'est ma respiration. Mmh. Le jour où je ne respirerai plus, c'est que, comme dirait, je serai mort. Eh bien, il n'est pas mort. Et non. Après cet extrait qu'on vient d'écouter de cette EP qui est sortie au mois de septembre 2019, un dernier live. Ce sera un titre Tsunami, qui est de du dernier album, de l'album précédent, donc il était une fois, qui sortit en 2017. Mm-hmm. Merci David pour cette... C'est pas fini, attends. Non, mais j'ai d'abord envie de te dire merci avant que je ne l'oublie. Parce qu'en fin de concert, c'est toujours important de remercier l'éclairagiste, le sonorisateur et l'organisateur. Donc, oui, c'est moi qui fais tout. Donc, je remercie David pour cette belle interview. Et puis, évidemment, Antoine, qui a été l'entremetteur. Merci, Antoine. C'est un entremetteur. Et puis, il a assuré le son. Et on fait du live. Et puis, sur cette année 2020, puisque c'est l'année 2020, j'espère vous recroiser très vite. Donc, voilà. Maintenant, on peut continuer, si tu veux. Tu me dis, c'est pas fini. Il fera chaud. Je voulais le dire avant que je n'oublie. Il fera chaud. Ça, c'est le vin chaud. Non, c'est pas vrai. Elle est nulle, mais elle est bien. Ça fait bien. Un petit vin chaud, Antoine, c'est possible ? Allez, au service. Jean-Luc Coquelaire, dans un long d'ici. Bien. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talent d'ici. J'écris un mot des mots en mal de mots. J'écris un cri et des cris m'écris d'égo. J'écris un pleur, une peur de l'oubli. J'écris une envie de vie. J'écris un poids. J'écris l'oubli pour ne pas oublier mes liens d'amas orphelinés. J'écris, je m'égare, je repars et je recris. Je gratte, j'écarte la plaie. J'écris le mal saignant des regrets. En vain coule en vain un message mirage enfin. J'écris un poids, moi. J'écris une folie, la folie de ma folie. Le tsunami de mon esprit, plongé dans l'infiniment sage. Des mots en mal, de mots. Des peurs de moi, peur des moi. Embrouillardé dans l'infini défini et mon ego en finale. Enfin drapé des gouttes. Je gratte et j'écarte la plaie. Je crie le mal, saignant des regrets. C'était le dernier titre live d'un EP que vous jouerez en live très bientôt, parce qu'il y a des dates, cher ami. Je te vous vois, mais des fois, je vous tutoie également. Comme tu veux. Tant qu'à faire. Moi, ce que je pose, j'ai une question sur le... Tout à l'heure, je te parlais des endroits où tu as joué, donc tu m'as parlé d'Irlande. Est-ce qu'il y a une ville, une scène où tu as absolument ressenti des choses que tu n'as pas ressenties ailleurs ? Où il y a une communion parfaite avec le public. Non, ça te parle ou pas ? Ouais, une assez récemment à la salle Pablo Picasso à Omécourt. Ouais. En janvier donc 2019, on avait été invité par l'association Marché Rêve sur une soirée qu'on a partagée avec Dom Colmé. Oui. Voilà. Et donc avec Nicolas Arnoux et Laurent Peuffer. Et il y a eu vraiment quelque chose de très fort ce soir-là en particulier. C'est où Omécourt, tu rappelles ? Omécourt, c'est pas très loin de Jarny, par là-bas. D'accord. Tu vois. Et c'est une belle salle, la salle Pablo Picasso. Hein. Une grosse scène, vraiment super bien. Voilà, après. Et je trouve que plus ce temps avance et plus je suis dans une dans un ressenti de plus en plus dans un partage. Ouais, ça tombe bien. Ça vibre un peu plus même dans le bon sens du terme. Pour répondre à ta question, il y en a d'autres inévitablement. Là, dans cette chanson, tu montes un peu dans les aigus. Oui, je peux monter un peu dans les aigus. C'est on l'a pas trop entendu jusqu'à présent. C'est principalement celle-ci. J'ai une tessiture qui est une tessiture voilà, dans celle de Monsieur Claude Nougaro. Oui. Avec le pour lequel j'ai un spectacle, comment dire ça, avec ses chansons. Un récital. Un récital, voilà, avec ses chansons et avec ses musiciens de jazz, que ce soit Jean-Sébastien, que ce soit Nicolas Arnoux, Laurent Péfer, ou même Jean-Marc Robin, le batteur. Et là, bah, c'est un petit peu plus haut. Mais je reste dans cette tessiture. Et Nougaro, pour moi, c'est des mots, c'est des images, c'est des petits films dans ma tête. Mais c'est, je ne copie pas, je ne suis pas dans le cover pur et dur. Il faut vous rappeler que Claude Nougaro, avant Nougaïor, qu'il est passé dans un espèce de désert. Oui. Parce qu'il n'avait plus de maison de disque. C'est il ça. Avait été viré carrément. Donc, et quelle est la chanson pour toi qui est très chanson française, qui est la plus belle à tes yeux? Mais je sais, c'est des questions dans lesquelles j'apparais. On parlait d'un album, c'est Fantasy Militaire en antenne, mais... Ah oui, Fantasy Militaire, oui. De Bachung. Oui, Bachung, il y a des textes qui sont très déjantés, qui sont énormes. Mm-hmm. C'est quoi? C'est Jean Fouque qui a fait les textes oui, sur cet album? Oui, Jean Fouque. Alors moi, j'ai croisé Jean Fouque un jour. Ah oui? Mais de loin. Il est venu faire une petite conférence en parlant justement des textes et de son expérience avec... J'ai pas eu la chance, comme une de tes invitées précédentes, comme de faire... de Close, là. Voilà, de faire un atelier avec lui. Mais Jean Fouque, oui, c'est des univers. Mais Bachung, c'est énorme, Bachung. C'est le patron. Probablement. C'est notre boss à nous. C'est malheureusement, je crois, venu le temps de l'île aux enfants. C'est terminé, le printemps. Non, sérieusement, c'est fini pour cette émission. Merci Jean-Claude, Jean-Lac, Jean-Louis. Donc pour la chanson, j'ai pas pu te répondre. C'est compliqué de trouver parce qu'il y a des... J'ai envie de te dire, il y a peut-être des tas de gens qui écrivent de belles choses et ça va peut-être arriver. Oui, bon, c'est un peu facile. Dedans, hein. C'est un peu facile. Non, mais il aurait fallu que... J'aurais pu y réfléchir. Tu marqueras ça sur les réseaux sociaux. D'accord. On ira regarder. Merci à toi d'être passé. Je merci rappelle qu'il y a aussi des albums comme merci Singulier où tu ressembles étrangement à Alain Souchon oui. sur la pochette. C'est mais c'est volontaire. Jean-Luc Coquelaire que nous recevions aujourd'hui pour la première fois. J'espère que ce n'est pas la dernière. À la technique, Antoine Honora. Merci. Donc, belle année à tout le monde. Bonne année. Ouais, belle année. On n'a même pas dit belle année à tout le monde. Bonne année, Antoine. Ouais. Bonne année. Je te fais un gros bisou. Allez. À très bientôt, ne m'embrasse pas, s'il te plaît.